vous souhaite un très bel après-midi tout de suite. C'est Histoire vivante sur la Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. C'est ça qui frappe le plus quand on arrive en Iran pour la première fois, c'est la fierté de n'importe quel Iranien de parler de leur passé prestigieux. Cette semaine, retour en Iran. C'est à la fois une puissance politique, culturelle, littéraire qui a façonné quelque part la région. Actualité et civilisation, la mosaïque d'un pays. Depuis la révolution islamique de 1979, il y a effectivement une lutte au couteau entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour le leadership du monde musulman. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les chiites sont formés à pratiquer ce qu'on appelle interprétation, ce qui s'appelle en arabe ijtihad. Il y a un sentiment en Iran que l'Occident n'a absolument aucune légitimité à dire à l'Iran ce qu'il doit faire sur son programme nucléaire. Se trompe-t-on quant à la définition habituellement perçue du mot ayatollah ? Doit-on interpréter ? Quelle est la part d'erreur ? Ou la fausse piste d'interrogation ? Qu'entend-on par croissant chiite ? Ou plutôt, que veut-on dire ? Que veut-on indiquer ? Ou sous-entendre ? Quelle est la part d'erreur ? Ou le choix politique réalisé ? Ce sont là quelques-uns des sujets qui seront abordés aujourd'hui avec notre invitée, la chercheuse Sabrina Mervin. Je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille sur le chiisme contemporain, particulièrement les milieux cléricaux, les institutions religieuses, donc les institutions qui matérialisent l'autorité religieuse, les institutions qui forment les clercs. Et puis par ailleurs, je travaille aussi sur les rituels religieux et les rituels qui sont spécifiques au chiisme. Dites-moi, aidez-nous un peu, comment on fait pour raconter, présenter ce monde tout à fait méconnu au grand public ? Par quelle entrée faut-il s'y prendre ? Par quelle entrée ? Alors pour parler des milieux cléricaux, en fait le mot-clé c'est ayatollah. Alors justement, c'est un mot que je déteste tel qu'il est employé ici. Parce que les ayatollahs, ce sont des gens qui sont formés après de longues études pour décliner la loi religieuse, donc ce sont des autorités religieuses, et qui sont donc normalement ouverts, puisqu'ils pratiquent l'interprétation, ce qu'on appelle vulgairement en français interprétation, c'est plus compliqué que ça. Donc ils sont ouverts pour arriver à adapter en fonction de leur connaissance des sources de la loi religieuse, la loi à ce qui se passe aujourd'hui et aux questions qu'on leur pose. Donc quand on dit, ici il y a une expression qui est « c'est l'ayatollah de quelque chose », ça veut dire que c'est quelqu'un d'extrêmement intolérant. Et normalement, voilà, c'est pas ça du tout. Donc on peut commencer comme ça. Je travaille sur des gens qui sont des autorités religieuses, qui sont certainement pas ce qu'on en dit ou ce qu'on en pense. Bon, même s'il y a évidemment ce qu'on pourrait appeler des fondamentalistes hein, parmi eux. Alors, quand vous dites comme ça, au revers de la phrase « interprétation », oui, mais c'est plus compliqué que ça, et comme on va comprendre, je pense, au fil de l'entretien, qu'on est vraiment dans un monde et complexe et subtil, bah, prenons le temps déjà de nous arrêter à ce détail. Qu'est-ce que c'est que des interprétations ? Oui, mais c'est plus complexe que ça. Alors, c'est plus complexe parce que tout simplement, il ne s'agit pas d'interpréter. Hein. Il ne s'agit pas de prendre un texte qui existe ou une loi qui est donnée et puis de l'interpréter en fonction de ce qui se passe aujourd'hui ou de la question posée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des textes de référence qui sont le Coran, bien sûr, et ce qu'on appelle la Sunna, c'est-à-dire l'ensemble des hadiths, des faits et gestes du prophète Mohammed. Bon, sachant que le hadith chiite est un peu différent du hadith sunnite, mais bon, en gros, c'est quand même le même fonctionnement. Donc, ils ont ces deux corpus, et à partir de ces deux corpus, ils ont un ensemble de raisonnements et d'outils, on va dire, méthodologiques, conceptuels, presque pratiques aussi, qui sont souvent des outils linguistiques ou logiques, qui vont leur permettre d'arriver à ce qu'ils appellent... être certain, c'est-à-dire arriver à ce qui est sûr. Sous-entendant être au plus près. Exactement, c'est-à-dire et sous-entendant être juste, hein, même si après un autre va dire que ça c'est pas ce qui est juste, c'est une autre réponse qu'il faut donner. Mais ce qu'il faut, c'est s'approcher de la vérité, et donc c'est de la parole divine, de la charia en fait. De la charia qui est quelque chose de plus... C'est plus compliqué qu'on ne pense, parce que la charia, là aussi, n'est pas quelque chose de donné, c'est pas un texte qui existe, c'est quelque chose qu'on induit à partir du Coran, des hadiths, et avec un raisonnement logique. Peut-être une précision ou un exemple pour qu'on se figure mieux encore ce qu'est la charia. Pardon pour mon accent. En fait, ça concerne tout ce qui est, tout ce qu'on appelle le halal, hein, c'est-à-dire tout ce qui est licite et ce qui est illicite. C'est ça, ce qu'il faut déterminer. Mais un exemple, je vais vous donner un exemple de questions qui peuvent se poser. C'est comme dans toutes les religions aujourd'hui, par exemple, se posent des questions de bioéthique ou des questions économiques. Des questions de bioéthique, le clonage, l'insémination artificielle, ce sont des questions auxquelles les ayatollahs doivent répondre aujourd'hui. Et donc, à partir de ces questions-là, ils vont faire une recherche et ils vont donner une réponse en regardant dans le Coran et dans la Sunna. Voilà. Comment regarder l'évolution contemporaine, technique par exemple, scientifique et technique, à partir des livres anciens? Et finalement, dans les éléments de réponse que vous dites, c'est précisément parce qu'au fond, il y a une sorte de garde-fou permanent que cet ouvrage pourrait apporter, que l'on peut au fond s'y référer pour se dire on est juste ou on ne l'est pas. Qu'importe au fond la technicité ou la nouveauté que la science fait apparaître comme nouvelle perspective. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où le temps, j'allais dire, est un peu aboli. Il est aboli, mais on peut se raccorder au temps justement par le raisonnement. الله الله می آید فصل امید بر تاریکی می تازد صبح سپید شب را صبحی دگر است یاران وقت سحر است برخیز ای اهل وفا برخیز ای روح رها جور دیگر باید دید دیده ها را باید شست تا که جنگ و نفرت این دوزخ هر جایی زیر باران باید رفت کینه ها را باید شست باید پایان یابد این برزخ تنهایی برخیز تا به هم سازیم از عشق عالمی سازیم آن روز نوبهار آید آن روز شه سوار آید الله الله الله الله الله فریاد از جور زمان الله الله فریاد از اهل منان در گمراهی سرگردان مانده بشر بیرو نخشد ایمان از فتنه و شر وای از روزگار تنهایی یارب کودم مسیحایی بزن ای دل آه دعا مگر آید روح بقا ناجی عالم کو ناجی عالم کو. Histoire vivante, cette semaine, retour en Iran. Actualité et civilisation, la mosaïque d'un pays. Sabrina Mervin, dans l'un de vos articles, vous indiquez que, à propos de l'expression que l'on a fréquemment entendue sur les médias, de la part de certains experts, et je sens que vous allez mettre le mot « expert » entre certains guillemets, l'expression « croissant chiite ». Et là, vous dites, ça c'est quand même une construction fort commode et fort séduisante. Vous l'historicisez à 2003. Alors, est-ce que vous pourriez à la fois nous donner un peu le cadre de la naissance ou de l'émergence de cette expression « croissant chiite » qu'est-ce que ça sous-entend de la part de ceux qui l'utilisent? Et en quoi vous allez patiemment nous aider à la déconstruire? Alors, on va commencer justement par 2003, c'est l'invasion, là aussi je vais mettre des guillemets, parce que certains appellent invasion ce que l'on veut appeler occupation ou d'autres, bon, intervention américaine en Irak. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu donc la chute de Saddam Hussein et du régime baasiste, et donc la montée en puissance des chiites qui sont majoritaires en Irak et qui ont pris le pouvoir. On peut le dire. Bon, pris le pouvoir par les urnes, hein, cela dit, puisqu'ils sont majoritaires. Alors à partir de là, il y a eu, disons, un espoir dans ce que j'appelle les mondes chiites et parmi les voisins des chiites irakiens, qui ont vu que, pour une fois, les chiites pouvaient arriver au pouvoir dans un pays où ils ne sont pas, comme en Iran, complètement majoritaires. Bon, en Iran, il y a une minorité sunnite, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, le chiisme est religion officielle depuis le XVIe siècle. Donc c'est complètement différent. Mais donc les voisins, si vous voulez, ça a réconforté les chiites des pays du Golfe, par exemple, ou d'autres, sur le fait qu'ils pouvaient eux aussi défendre leurs droits et avoir une place dans les pays dans lesquels ils veulent s'intégrer et jouer un rôle politique en fonction de leur poids démographique. Donc une bonne nouvelle politique. Pour les chiites, oui. Mais du coup, il y a eu tout ça à susciter des craintes, notamment chez les dirigeants sunnites, comme le roi Abdallah de Jordanie et comme Moubarak en Égypte. Et ce, en fait, le premier à avoir utilisé cette expression, c'est Abdallah de Jordanie. Et ensuite, ça a été repris et ça l'est toujours par les médias. Alors, en fait, le terme de croissant chiite a été employé pendant quelques années pour désigner l'alliance entre l'Iran, la Syrie, le Hezbollah libanais, et le Hamas palestinien, qui n'est pas chiite. Donc on voit bien déjà qu'il y a un premier problème. Le Hamas n'est pas chiite, d'une part. Sinon problème, en tout cas intention. Oui. Et ensuite, il y a des chiites qui sont hors de ce soi-disant croissant, qui ne sont pas pris en compte. Voilà. Donc en fait, ça, si vous voulez, ça ne tient pas. C'est évident. Il y a des chiites du Golfe, il y a des chiites au Pakistan, et il y a des tensions communautaires entre les chiites et les sunnites au Pakistan, bon, qui sont surtout dus à des problèmes politiques, hein, pas forcément des tensions dans la vie courante, mais disons qu'il y a des attentats anti-chiites aussi au Pakistan, comme en Irak. Donc, tout ça est quand même beaucoup plus complexe qu'on ne veut bien le dire, et bon, il est certain qu'il y a un bras de fer entre l'Arabie saoudite d'un côté qui est sunnite, hein, sunnite, wahhabite, et l'Iran de l'autre qui est chiite. Donc on a deux puissances régionales et deux, je dirais, deux religions, en tout cas deux versions de l'islam et deux idéologies religieuses et politiques qui sont en concurrence dans oui. la région. Ah, j'entends bien, mais Abdallah Jordanie et puis éventuellement la parole reprise en Arabie saoudite, mais quand certains experts sur les médias occidentaux qui ne sont ni jordaniens ni saoudiens reprennent l'expression, qu'est-ce qu'elle contient dans leurs propos? J'allais dire une bêtise, tout simplement. Parce que ça... Bon, bah voilà, l'affaire est faite. Voilà ce que c'est. Non, c'est surtout une expression facile. Alors aujourd'hui... Oui, mais on désigne un ennemi quand on fait ça. Mais alors là, au niveau des Occidentaux, je n'arrive pas bien à repérer quel est l'ennemi. Eh bien, disons que ce que l'on peut comprendre, c'est que les Occidentaux ont choisi leur camp, c'est-à-dire le camp plutôt saoudien sunnite que iranien chiite. Au micro de François Sergent, le journaliste Jean-Pierre Perrin fait le point sur l'actualité de cette question avec l'arrivée au pouvoir en Arabie Saoudite de MBS, alias Mohamed Ben Salman, surnommé l'Impétueux. Depuis la révolution islamique de 1979, il y a effectivement une lutte au couteau entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour le leadership du monde musulman. Chacun le veut, même si effectivement les Iraniens partent défavorisés puisqu'ils sont chiites, donc extrêmement minoritaires, face au monde sunnite. Bon, alors, qu'est-ce qui la motive, cette croisade? Eh bien, simplement, effectivement, l'emprise de plus en plus large de l'Iran sur l'Irak d'abord, à la faveur des erreurs américaines, ensuite sur la Syrie. Et je pense que s'il fallait faire un distinguo entre la politique russe et la politique iranienne en Syrie, elle est radicalement différente. Je pense que les Russes veulent reconstituer la Syrie en tant qu'État, mais je ne pense pas que ce soit l'intention des Iraniens qui sont là pour rester. Dans le grand ordre des choses, l'Iran a quand même marqué des points dans notre région. Ça, oui, c'est bien sûr, absolument. L'axe, le fameux croissant chiite qui est dénoncé par certains spécialistes comme étant une illusion ou une obsession occidentale, en fait, s'avère vrai à présent aujourd'hui, puisque maintenant il y a une route qui va directement des montagnes libanaises jusqu'à celle du plateau du Golan, jusqu'au plateau du Golan. Pratiquement sans interruption. Et là, l'Iran peut amener ses hommes, ses armes du Liban. Elle peut faire ce qu'elle veut, oui, absolument. Bon, bah, ça change stratégiquement peu de choses, parce que finalement, à partir du moment où suivez une voie, cette voie peut se faire bombarder très facilement par ailleurs. Alors, en principe, l'Arabie Saoudite n'a pas les moyens de se battre contre. Si on regarde les rapports de force. Et les populations. On voit que ça va. L'armée saoudienne est très très loin d'être aussi importante, aussi. Compétente même, parce que là, elle s'est jamais vraiment battue, alors que les Iraniens, au moins, ont fait la guerre Iran-Irak, et puis sont impliqués à droite à gauche. Et ils ont une force, la force Al-Quds, la force Jérusalem, donc, qui a une compétence pour intervenir sur des terrains extérieurs. Donc, elle est spécialisée dans les conflits extérieurs. Et bon, il n'y a rien d'équivalent en Arabie Saoudite. On peut penser d'ailleurs qu'une partie de l'aviation saoudienne est pilotée par des pilotes pakistanais. Mais donc, donc, en principe, il n'y a pas de conflit armé possible, mais tout peut arriver parce que finalement, on a un prince impétueux, on a parfois un missile tiré du Yémen qui tombe tiré en direction de Riyad. C'est un message de l'Iran, très clair. Ouais. Et donc, ça peut dégénérer à la suite d'un incident qui n'est pas forcément voulu par les uns ou par les autres. Donc, c'est plutôt l'accident qui risque de provoquer le conflit. Plus qu'un conflit, quand même. Plus qu'une décision d'engager le conflit. Alors, l'Arabie Saoudite, effectivement, n'est pas seule puisqu'elle aura derrière elle les États-Unis. Nous avons commencé, Sabrina Mervin, avec un premier mot pour ouvrir le monde complexe et lointain du chiisme. Vous avez pris le mot ayatollah en nous le présentant avec une autre définition ou un autre sens que celui communément émis. Si l'on devait aller chercher un autre mot. Alors, je dirais, sans réfléchir, je dirais révolution, ce qui serait une erreur, mais c'est justement une idée reçue, c'est-à-dire que le chiisme est par essence révolutionnaire. Et ce qu'on a souvent dit, c'est que ça s'est vérifié en Iran. Donc, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, parce que justement, c'est quelque chose là aussi qui est à remettre en place. Le chiisme n'est pas plus révolutionnaire qu'une autre religion. Simplement, on peut... dans le chiisme comme dans d'autres religions, utiliser des référents pour promouvoir un changement, pour mobiliser des masses, pour organiser l'opposition, etc. Alors, pardonnez-moi, je saute du coq à l'âne. En vous entendant répondre, je pensais à comment avez-vous fait, vous, pour étudier une religion ? À quel outil on a recours, par où on commence, parce que c'est absolument gigantesque. Oui, c'est sûr. Alors en plus, quand j'ai commencé, le chiisme était très peu étudié, en France en tout cas. Il y avait par exemple Yann Richard qui travaillait sur l'Iran, et puis surtout il y avait eu Henri Corbin, le fameux Henri Corbin, qui était un grand spécialiste du chiisme, plutôt philosophe et même complètement philosophe, puisqu'avant ça il était aussi spécialiste de Heidegger. Mais disons que la France ne brillait pas par ses études chiites, on était plutôt spécialisé sur le sunnisme, ce qui s'explique par des causes historiques, c'est que la France était présente plutôt au Maghreb ou au Levant, notamment en Syrie et au Liban, mais en tout cas pas dans des régions chiites, même si au Liban justement il y avait des chiites. Donc l'Iran était plutôt étudié aux États-Unis ou en Angleterre. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé, ça n'était pas facile, d'autant plus que au départ j'ai surtout travaillé sur le chiisme libanais. Et que là, malgré cet antécédent historique, malgré ces liens historiques même entre la France et le Liban, il n'y avait quasiment pas d'études en français, en tout cas, sur le chiisme libanais. Alors, maintenant, la situation a beaucoup changé, parce que depuis une quinzaine d'années, les études chiites se sont vraiment développées. Et là, on commence à avoir vraiment une masse critique, je dirais, de chercheurs et de jeunes chercheurs qui travaillent dans le monde entier. Et on a quand même bien avancé, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais alors, vous avez fait un sacré saut de carpe en faisant le début et en faisant... Et depuis le début, ça a beaucoup changé. Maintenant, ce que je voudrais, c'est le milieu, qui est une longue parenthèse. Ouais. Voilà, c'est à vous de jouer. Là. Alors, comment on étudie une religion? Tout simplement avec les mêmes outils qu'on peut étudier n'importe quel autre fait social, historique, enfin... C'est la même chose. C'est-à-dire que, au départ, moi, je suis historienne, donc j'ai travaillé sur des textes, et j'ai travaillé à la fois, en croisant les sources, sur des textes d'ouléma, donc de savants chiites, qui faisaient l'objet de mon étude, et puis sur les archives du ministère des Affaires étrangères français, sur des récits, ce qu'on appelle des récits de voyageurs, qui avaient raconté leurs expériences au Proche-Orient. En fait, on utilise toutes les sources qu'on peut trouver, comme dans n'importe quelle étude historique. Et puis, par ailleurs, j'ai aussi beaucoup travaillé, comme je fais de l'histoire contemporaine, sur des sources orales, sur l'histoire orale. Et donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des gens, au début au Liban Sud et puis ensuite ailleurs. Et beaucoup d'entretiens aussi avec des clercs, puisque je travaille sur les milieux cléricaux, donc sur des religieux. Et ce sont eux qui me racontent à la fois ce qu'ils font, et puis qui m'expliquent aussi le chiisme. Parce que, bon, une religion, c'est vivant. Moi, je travaille sur le chiisme contemporain, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont eux qui produisent les doctrines aujourd'hui. Donc, voilà, c'est auprès d'eux que je vais m'enquérir. Forcément. Donc en fait, j'ai aussi beaucoup appris avec eux. Voilà. Des entretiens qui sont faciles à obtenir? Oui. C'est-à-dire, au début, c'était effectivement un peu difficile parce que quand une jeune chercheuse arrive et de l'extérieur, de l'étranger, qu'elle n'y connaît rien, qu'elle a un accent arabe épouvantable, évidemment, ça prête à sourire, ça prête un peu à la condescendance. Et vous y avez eu droit? Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, j'allais dire, il faut travailler, tout simplement. Et puis, quand ils s'aperçoivent qu'on est sérieux et qu'on je dirais même qu'on est sérieuse, et puis qu'on sait de quoi on parle et qu'on sait ce qu'on veut, ils sont tout à fait accueillants. Et j'ai en fait été très bien accueillie. Et j'ai maintenant quasiment des amitiés hein, avec des gens qui sont des modernistes, des réformistes, bien sûr, c'est beaucoup plus facile, avec qui je peux discuter, avec qui je discute depuis des années. Que vous disent-ils, justement, du tous les jours, du contemporain? À quoi sont-ils exposés? Sont-ils en situation, parfois, de grand doute sur ce qu'ils ont à émettre? Ou ne peuvent-ils pas? Quel est leur rôle? Quelle est leur position? Quel costume se doivent-ils de porter? Et est-ce le cas? Est-ce que la question est bien posée en la posant comme ça? Vous posez une question qui pourrait faire l'objet d'un livre. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Donc, c'est un petit peu difficile à y répondre comme ça en quelques mots. Alors, première chose, c'est que d'abord, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils répondent aux questions que je leur pose. Et en tant que chercheur, je leur pose des questions sur les sciences religieuses qu'ils pratiquent. Parce que, bon, voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est mon objet d'étude. Et donc, ils m'expliquent des choses en droit islamique, en méthodologie dite droit islamique, en théologie, et comment ils travaillent, comment ils enseignent, comment ils ont été formés, comment eux-mêmes forment. Je leur demande aussi justement beaucoup de choses sur le système d'enseignement et j'observe aussi Je suis allée dans les écoles religieuses parce que ça fait l'objet justement de mon étude et que je trouve que ce système est particulièrement intéressant dans la transmission du savoir, dans leur mode de transmission du savoir, d'une part. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils se modernisent, comment ils se réforment et comment la tradition résiste à la réforme. Et en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'une querelle entre les anciens et les modernes, entre tradition et modernité, etc. Mais c'est aussi, bon, une question de survie, de lien, de continuité à assurer avec les textes anciens, avec la tradition des imams. Et que tout ça peut être modernisé jusqu'à un certain point, c'est-à-dire notamment en introduisant les sciences humaines et les sciences sociales. Ce qui bouleverse complètement leur manière de voir. Donc voilà, c'est le genre de discussion que j'ai avec eux, c'est le genre de thématique que j'aborde. Et évidemment, on parle de leur vie quotidienne, mais si vous voulez, la vie quotidienne, c'est plutôt quelque chose que j'observe, puisque je vais les voir la plupart du temps chez eux. Et que comme je suis une femme, j'ai beaucoup de chance. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai beaucoup de chance parce que je peux aller dans le salon où reçoit le dignitaire religieux en tant que chercheur étrangère. Et puis par ailleurs, au bout d'un moment, il me dit « Est-ce que tu veux rencontrer mon épouse ?» Et je dis « Mais bien sûr !» Et je vais voir son épouse. Et pour ceux que je vois depuis longtemps, depuis quelques années, je connais bien leur femme, je suis devenue proche de leur femme éventuellement, je vais assister au rituel avec leur femme, puisque ça je ne peux pas le faire avec les hommes, et j'ai vu grandir leurs enfants, donc j'ai accès aussi à la famille, tout simplement, et à des familles qui vivent, c'est vrai de manière islamique, entre guillemets, mais par ailleurs, comme vous et moi, avec leurs problèmes économiques, tous les problèmes des familles, moraux, les enfants, voilà. Le contraire nous eût étonné. Est-ce qu'il vous arrive de leur adresser des questions, soit qu'ils ne se sont jamais posées, soit qu'ils les déconcertent pendant un temps? Parce que c'est vrai que quand on pose des questions, parfois, et je suis assez bien placé pour le savoir, on met le doigt sans le savoir sur un problème aigu, crucial, et c'est la forme peut-être que prend la question qui... Oui, mais alors là, vous allez me demander un exemple et je n'en ai pas en tête, ça tombe très mal. Alors, donnez-moi un exemple. Non, voilà, je n'en ai pas. Mais ça arrive forcément parce que, tout simplement, même si ça fait des années que je suis plongée dans ce milieu et que, bon, je commence quand même à comprendre un peu comment ils fonctionnent et leur logique, etc., et donc à me mettre dans leur système pour pouvoir leur poser les bonnes questions. Il m'arrive d'avoir aussi mes questions à moi que me dictent les sciences sociales, où là, il peut y avoir... Et c'est pas que la question n'est pas comprise, c'est juste qu'il y a un malentendu dans la formulation, par exemple, ou qu'on va pas avoir la même manière de dire les choses, ou que ils vont me répondre quelque chose qui pour eux est évident et que moi je ne peux pas comprendre, parce qu'il y a ça aussi. Parfois je m'aperçois qu'après 15 ans, il y a des choses qui sont toujours aussi difficiles à comprendre pour moi. Demain, la suite de cet entretien, nous retrouverons la chercheuse Sabrina Mervin. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et David Golan. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Il y a 100 ans, la signature de l'armistice marquait la fin de la Première Guerre mondiale. La Suisse a été épargnée par le conflit grâce à sa neutralité et à son action humanitaire. Elle n'en a pas moins été profondément transformée. La guerre qui a changé la Suisse, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Vous écoutez La Première, il est 14h.